Santarém, 34 para Vila Real, hoje a Guarda com 33 graus de máxima prevista, 32 para Viseu e Lisboa, 30 para Braga, Coimbra e Setúbal, 28 graus para as Banhas Douradas, para Leiria e para Faro, 26 para Aveiro, 24 para o Porto e para o Funchal, máxima prevista para Viana do Castelo, 23 graus, Ponta Delgada 21 graus. Votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète et la familia. J'espère que vous allez bien. 7h01. Aujourd'hui, sous le soleil d'Orléans, ce mois, juin. À Bordeaux aussi, il fait beau. Tiens, on vient de m'envoyer un message depuis Bordeaux. Il fait très beau aujourd'hui, jusqu'à 25-26 degrés. Et la journée la plus chaude, eh bien, ça sera samedi. Bon petit-déj, bonne douche à vous. Si vous l'énervez du côté de la chapelle aussi, on nous écrit des messages. Salut Francky, belle journée. Bon réveil, moi, je suis au taf depuis 6h. Bah oui, il y en a qui se lèvent tôt. Christophe qui est là, François qui est là, Xavier qui est là, il y a du monde ce matin, merci d'être là. Et on démarre avec la comédie musicale de Sardou qui est en tournée sur toute la planète et on adore. De l'autorité charme. Femme des années 80, moins colombine qu'arlequin. Sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. La cinquième et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Petit garçon, je repassais mes leçons. Quand j'entends, et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. Quand j'entends, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Quand j'entends, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. Quand j'entends, c'est plus marrant, c'est moi, désespérant en chantant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel. Thank you. je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je vais. Je vais. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. T'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer, apprendre quelque part. Hey, tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama à Bécao. T'as les kata kamen au cao. Doucement, doucement, juste au cao. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama à Bécao. T'as les kata kamen au cao. Doucement, doucement, juste au cao. Ce soir je ne serai pas ton pao. Hey, tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Bébé à Kachou avec l'artiste. On va être avec vous, on est ensemble jusqu'à, bah, jusqu'à 9h avec le petit déj, peut-être la douche. Vous venez d'arriver, et bah la météo. La météo. Ah ouais, l'artiste il a fini de chanter, c'est bon, on a compris. Aujourd'hui les températures sont plutôt pas mal, du soleil sur toute la région et ça va briller toute la journée. La bonne nouvelle sur Orléans, ce mois Fayolloge, la Meuse-Beuvron ou encore en Main-sur-Loire, les températures du soleil est jusqu'à 25 voire 26 degrés. Je vous le disais tout à l'heure, la journée la plus chaude, ça sera samedi. Ah ouais, 39 degrés samedi. Naps, il arrive avec son nouveau hit, Sansas. On bosse à la niçoise, le Yoda une Marlboro. Prends du rein de clé, s'il cache la beuh dans les corons. Errant ou feu, je lave ski. J'suis sans crush et les parents. J'fume des pétouons, ma presquise est pour Kilimanjaro. Sans sas, sans sas. J'ai claqué 20-40 et vous dans la tête, bois c'est sans sas. Sans sas, sans sas. On a enflammé le rooftop, la easy life c'est sans sas. On s'envole dans les îles, j'ai pris un séjour pour deux. J'ai pris l'ami, la suite dans un hôtel luxueux. Envie de passer ma life sur un gros yacht monstrueux. Un Lambo Khalifa, j'piste des fontaines lumineuses. Je vais prendre une belle parure tout en orphin. Je sais que t'avais un kiff, c'est nager avec les dauphins. Vacationnaire, Phuket, je prends le bain. C'est mieux que la mola, il va rester coincé dans le Benz. Sans sas, sans sas, j'ai claqué 20-40 et vous dans la te bois, c'est sans sas. Sans sas, sans sas, on a enflammé la roue, stop la easy life, c'est sans sas. La du Mistral, y'a trop de vent, j'peux pas l'allumer. S'il te plaît, mets-moi un 200 de bug granulé. Des fois, j'm'endors sur rap, ta lumière allumée. Si j'avais vu sur Insta, showcase annulé. Ok. Sans sas, sans sas, j'ai claqué 20-40 et vous dans la te bois, c'est sans sas. Sans sas, sans sas, on a enflammé la ouf, stop la easy life, c'est sans sas. Sans sas, sans sas, j'ai claqué 20-40 et vous dans la te bois, c'est sans sas. Minutes avec Nap sans sas, vous adorez aussi sur la radio, Arc-en-Ciel, 96 FM, et avec Elodie qui nous écoute à Saint-Privé, Saint-Mémin. Salut Francky, belle journée, Olivier qui dit au taf, salut, bon courage pour la Madone qui arrive, le meilleur des années 80 avec Holiday.

7h25, le nouveau Mika, c'est vrai, il y a longtemps qu'on l'avait pas entendu. Et son nouveau hit, yo yo, belle journée, sous le soleil de la radio, bon courage, je suis venu d'arriver, le réveil peut-être vient de sonner pour Pascal, du côté d'Orléans, et l'horoscope qui arrive, on est en direct, et jusqu'à 9h. L'horoscope, c'est maintenant. Ah oui, l'horoscope, on démarre ce matin avec les béliers. Quelques séances de sport vous feraient du bien, vous stimuler votre énergie positive. Les taureaux, l'affaire de votre vie semble prendre la tournure que vous espérez. Et enfin, les gémeaux, il vous sera difficile de trancher sur les choix professionnels que vous devez faire aujourd'hui. Les cancers, rien ne pourra vous atteindre aujourd'hui car vous êtes d'humeur invincible et déterminé. Les lions, vos ambitions pro reprennent le bon chemin et votre morale s'en ressent très nettement. Les vierges, ne vous posez pas tant de questions car vos doutes vous empêchent d'avancer. Les balances, vous aurez du mal à ne pas vous laisser distraire par l'ambiance estivale au bureau. Les scorpions, vous saurez rebondir face à certaines situations imprévues. Les sagittaires, votre franchise pourrait être difficile à entendre pour les autres, mais vous fera le plus grand bien. Les capricornes, la chance est dans votre signe et vous procurera un sentiment de confiance en vous. Un message de Pascal qui vient de m'envoyer là sur Messenger. Merci, je suis cancer, tranquille. Bah voilà, bonne journée pour toi. Et les Verseaux, les obstacles que vous avez franchis ces derniers temps vous apporteront la force et le courage pour avancer. Et pour terminer, les poissons, vous ne vous laisserez pas faire et vous vous battrez pour obtenir gain de cause aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui avec l'anniversaire de Estelle qui fête ses 47 ans, bon anniversaire à ma fille, voilà, bon anniversaire Estelle, on vous souhaite une très très bonne matinée. Rosa qui arrive avec Gradure sur Radio Arc-en-Ciel et on adore, belle journée. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta, verre de rosé, un pas de côté. Là pour mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton jaoud. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. J'serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour.

rappelle forcément des bons souvenirs, ça. Le groupe ABBA, voulez-vous, bah voulez-vous, ouais, voulez-vous la fête des pères, bah vous la voulez, c'est ce dimanche. Et puis il y aura des bons plans avec les établissements Mariano. Vous allez pouvoir les pour les papas les gâter avec des nouvelles bières, des vins de qualité, des liqueurs originales, ainsi que plein de petits cadeaux que vous pourrez découvrir dans le magasin Mariano, un rue de l'Orme-Gâteau à ce mois, c'est ce dimanche. Également le plaisir d'inviter tous les papas à une dégustation de leur gamme de sangria. Donc à foncer, c'est ce dimanche aux établissements Mariano, c'est un rue de l'Orme-Gâteau et c'est à ce mois, et ouais, pour tous les papas, dimanche. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Bah oui, à la porte du bureau, moi je vous accompagne. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Louis qui est connecté du côté de Orléans, qui nous dit bonne journée à toi, Francky, à toute l'équipe de la radio. Avec du son, caliente, soleil qui arrive, on aura Louis Fonzi et Alicia Keys. J'écoute la radio sous la douche, ça c'est bon, fais gaffe quand même, hein. C'est pas pour Claude François. Bah ouais, 7h38, Edouard qui est là aussi, salut Francky, belle journée à vous, bah à toi, tu peux me tutoyer, y a pas de problème. On est en live jusqu'à 9h, ça c'est sûr. Et le meilleur de la musique pour bien vous réveiller, Luis Fonsi d'Espacito. Que te... playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Caribou, 7h44, et le... J'adore ce clip. J'adore. La météo. Et un petit coucou à José qui nous écoute, qui est parti au boulot, là. Salut mon José, belle journée, belle route à toi aussi à Cap 45. Sur la route du boulot, il y en a beaucoup. Estelle aussi qui est connectée, là, qui est sur la route du taf. Elle bosse à 9h, elle est déjà sur la route, oui. Elle bosse à côté de Gien. Salut Estelle, bon courage à toi. Côté météo, aujourd'hui, le soleil sera bien au rendez-vous avec presque pas de nuages. En tout cas, il va faire beau toute la journée. Et ça va faire du bien au moral et aux terrasses des cafés, des bars, des restos qui vont ouvrir ce midi. Voilà, donc allez-y, allez faire un petit tour. Allez aider les commerçants des alentours. Ça leur fait toujours plaisir. Du son qui arrive avec Elvis Crespo et Suavemente. Et ça, c'est du soleil. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, besame otra vez.

donne envie de danser, ça, de faire la fête un petit peu. Bah oui, forcément. Les Daft Punk, Get Lucky, Radio Arc-en-Ciel, 7h55. Vous êtes peut-être sur la tangentielle, déjà arrivé au bureau, sur les chantiers, comme Marie, qui est levée depuis 5h30 du matin, qui est déjà au taf. Ouais, salut Marie, belle journée à toi. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre ce matin avec les béliers. Encore un peu de patience dans vos relations affectives. Elles s'améliorent au fur et à mesure. Les taureaux, votre partenaire pourrait vous montrer une facette de sa personnalité que vous ne connaissez pas. Les gémeaux, goûtez davantage les saveurs agréables du présent et l'avenir deviendra alors plus agréable. Les cancers, il serait bon d'être plus spontané dans votre relation amoureuse et affective, mais vous l'aimez et ça se voit. Les lions, vous pourriez renouer des liens avec des personnes que vous avez perdu de vue. Les vierges, l'univers sentimental est plus calme, mais la vie familiale s'améliore. Les balances, veillez à ne pas trop être intransigeant aujourd'hui avec des personnes proches, cela pourrait les frustrer. Les scorpions, vous devrez vous méfier de certaines personnes à risque. Alors, je sais pas ce que c'est, les personnes à risque. En tout cas, méfiez-vous aujourd'hui. Les Sagittaires, une ambiance de tendresse et de séduction règne dans votre ciel affectif. Les Capricornes, ce sera le moment de profiter à fond des joies de l'amour. Les Verseaux, vous vous dévouerez corps et âme pour assurer le bien-être de vos proches. Et enfin, les Poissons, en couple, vous aurez des doutes sans raison valable. Belle journée, 7h57 minutes, avec plein de soleil, je vous l'ai dit aujourd'hui, jusqu'à 25-26 degrés. Un artiste que j'affectionne, qui m'avait invité à l'époque à l'Olympia, c'est Grégoire, mon poteau, en souvenir de nous. Belle journée, bon réveil, sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi. Et j'ai beau me redire que tout ça passera, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence est loin. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. À quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guide nos pas. Et pose ma main sur nos morceaux d'hier perdus dans cette rue. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Let's go, girl. I'm going out tonight, I'm feeling. I feel like a woman. C'est le 8h04, le meilleur des moments avec Shania Twain, Men Feel Like a Woman. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Ah ouais, France. On vous réveille tous les matins et puis dimanche, la fête des papas, ne la ratez surtout pas. Et justement, à cette occasion, les établissements Mariano vous proposent différents présents qui vont vous ravir les papas. Bah oui, ça va être des nouvelles bières, des nouveaux vins, des vins de qualité, des liqueurs originales, ainsi que plein de petits cadeaux qui vont vous faire plaisir, messieurs, pour faire plaisir à tous les papas. Ce dimanche, 1 rue de l'Orme Gâteau à ce mois. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans l'établissement Mariano. Vous allez voyager. Vos papilles vont voyager. Vous allez vous régaler, j'en suis sûr, pour faire des petits cadeaux à votre papa ce dimanche. Et justement, la maison Mariano aura également le plaisir d'inviter tous les papas à une dégustation de toute leur gamme de sangria. Voilà un bon plan. C'est ce dimanche, les établissements Mariano. Et c'est 1 rue de l'Orme Gâteau à ce mois. Sous le réveil de Radio Conseil. Et double asile qui arrive avec Alex Ferrari. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere. 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Coucou à Joël, Olivier qui nous écoute sur le 96.2 FM. On est heureux de vous retrouver. Bon courage pour tous ceux qui vont au taf ce matin. Legendary, c'est le nouveau groupe qui a repris Patrick Hernandez, Born to be Alive. Un petit remix de T. William et Mitsou. Alors, je sais pas si c'est le Mitsou de l'époque d'énergie. On va se renseigner. Voici Born to be Alive 2022. Bah oui, le Walkman à l'ancienne. Born to be Alive version 2002 par Mitsou. William T. Legendary, le groupe. Forcément, il vous faut cette playlist ce matin. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Le Hyper U de Ball, c'est samedi. L'émission en direct de Radio Arc-en-Ciel samedi. Bah ouais, on va être là-haut, l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, pour une belle ambiance du Portugal. À ne pas rater, on vous donne rendez-vous sur place ce samedi à Ball. Belle journée, le soleil est au rendez-vous, la chaleur aussi, jusqu'à 25, 26 degrés. La journée la plus chaude, ça sera samedi, 39, 40 degrés. Imaginez-vous, les climatiseurs à fond, et c'est pas bon pour la planète. Mon ami, ce titre qui a été écrit à Changi par mon poteau Saint-Ange, voici Kevin Kinvey, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Alors les villes, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'enforcelle. Juste un battement de cils, je viens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile,

Radio Arc-en-Ciel, 8h19. Il n'y a pas de dernier jour du disco, c'est à vie le disco, à vie. La météo. La météo pour jeudi, le ciel est dégagé, et pas de nuages, quasiment pas, du soleil, encore du soleil. Les températures sur Orléans, ce mois, Fayolleuge, encore mince sur Loire, jusqu'à 25 degrés, dont toute la journée, vous allez pouvoir faire bronzette à peut-être à midi, en tout cas sur une terrasse de café ou de bar. Ça, c'est sûr, le soleil est bien au rendez-vous. Courage à José, qui est déjà sur la route du boulot ce matin, qui nous dit, salut Francky, déjà au boulot, belle journée à toi. Merci mon ami. Plein de son, avec Caméléon qui arrive. Non. Non, bah si, c'est tout de suite. Bel réveil, bon réveil à Jojo qui vient de se connecter. Salut mon ami, voici Caméléon. La mère de la musique latine à 8h23 avec Caméléon. Non, c'est vrai qu'il nous manque dans le milieu de la pop, de la rock. Voici Ferry Mercury. Appelle le 02 38 43 48 00. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Sophia, belle journée, bon courage à vous qui allez au taf. Et Léonore qui souhaite un bon anniversaire à son papa qui a 63 ans aujourd'hui. Bon anniversaire André. Happy birthday, Danny Rhines. Le meilleur des souvenirs, it's alright. I can tell how you feel, I know what you like.

7h-9h, dis-lui, Feeling, Vigum by Benjay, on adore. Et il habite pas loin d'Orléans en plus. Ah ouais, c'est un bon mec en plus, hein. Pour les mecs qui aiment les mecs. Ah oui. La philosophie, repris par Kenji Girac. Et vous allez adorer, j'en suis sûr, hein, sur Radio Arc-en-Ciel, 8h37. Belle journée, bon réveil sous le soleil. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis gitan mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Et toujours le poing levé, lever la tête, tomber le torse. Sans cesse de tomber d'effort, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences. Ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, et ma lusure, j'y crois encore et encore. Et ça qui vit, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Moi je n'aime pas toutes ces filles. Comme des visages, comme des habits. Moi j'aime les formes et les rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fils d'un quartier populaire, j'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Lever la tête. Le temps, sans cesse de doubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui va le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Et ma lusure, j'y crois encore et encore. Et ça qui vit, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Arc-en-ciel, le mur de la musique avec cette belle reprise de Kenji Girac, de Amel Bent. Ma philosophie, ne ratez pas le rendez-vous, c'est dimanche, la fête des papas, les établissements Mariano ont plein de cadeaux à vous offrir, des dégustations de vin, de sangria, enfin il y aura plein de choses. Ne ratez pas ce beau rendez-vous, établissement Mariano, un rue de l'Orme Gâteau, et c'est à ce mois, ce dimanche, voilà, si vous voulez faire un petit cadeau à papa, bah pourquoi pas, voilà, direction Mariano, dimanche, clic clic pam pam, bien il revient, avec il y a du soleil, il y a des nanas, c'est Yanns. Y'a du soleil et des nanas, nanani, nanana, des bandidos, des bandidas, la la li, la la la, mais qui passe au mec qui passe la la li, la la la, y'a du soleil et des nanas, nanani, nanana, 1 million, 2 millions, ce soir ça remplit sensation, attention aux tentations, car tous les mecs seront mignons, 1 million, 2 millions, ce soir ça remplit sensation, attention aux tentations, car toutes les filles seront. Ça va snapper, s'éclater toute la night. Ça va déconner jusqu'à 6h du mat. J'entends les pimpons, les pompiers. Ils sont fatigués, on n'est pas fatigués. Y'a du soleil et des Y'a du soleil et des nanas. sympatoche le nouveau Yann, après clic clic pompant, bah il y a du soleil aujourd'hui, ça c'est sûr, jusqu'à 25 degrés, la très très bonne nouvelle, la journée la plus jaune, chaude, ça sera samedi, 38, 39, voire 40 degrés, du son tout en douceur pour vous emmener à la porte du bureau ce matin, avec Réma qu'on adore, 8h42, belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Take some time, just some time to know me. All this love is waiting here just for you. I'll be that star shining through. Heart to heart is where I wanna be. With your love, I know I am complete. I'm here every step of the way, and I see you each and every day. My love for you is so strong, and I know that nothing will go wrong. With you in my life, I'll be so happy. My love for you is real. Something I can feel deep inside my body, my soul. And I want to be that star shining down on you, watching over you every step of the way. And just let me be that star shining in the night. When you look up, you'll feel my love. Je suis triste ce matin, il nous a quitté il y a 3 ans déjà. Super funk, l'étoile de la chance. Et ouais, on adorait, on adore toujours d'ailleurs. Hein. 8h50, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Avec Pascal qui nous souhaite une très très bonne journée. Courage à vous, si vous allez au taf ce matin. Et ouais, jusqu'à 25 degrés, alors donc on n'est pas motivé hein, quand il fait beau. Voici les débuts d'Aya Nakamura. J'aime bien ces débuts, maintenant j'aime moins, mais là j'aimais bien. Comportement, belle journée et bon réveil sur l'air en ciel. On me guette tout en bas, j'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Il est minuit, tu titubes. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais ma vie. Mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher? Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, j'ai dit. Tous ceux qu'on ramé à la fin auront gagné. J'ai calé l'affaire. Laissez-moi faire. J'ai calé l'affaire. Laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai trop roulé, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. J'suis un compo, compo. Comportement. J'suis un compo, compo. Comportement. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les vaches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Soleil de la radio Arc-en-Ciel, 8h57. Monsieur Laurent Souk est arrivé dans les studios. Ça y est, il arrive dans moins de 3 minutes. Je vous retrouve demain matin à partir de 7h en pleine forme. Et encore du soleil demain, ça va faire du bien. Passez une agréable journée, une bonne matinée. Monsieur Laurent Souk qui arrive en courant. Ouais, ouais, tout de suite. Belle journée avec la Son Caliente. Calinette Nettoyage.